Petite fille, où es-tu? Sur la plage, je cours comme un fou. Petite fille, que fais-tu? Sur la plage, je te cherche partout. L'été dernier, quand septembre est venu, on s'est juré de se retrouver et de s'aimer, ma petite fille. J'ai rêvé tout l'hiver que tu m'embrassais, petite fille. J'ai compté chaque jour qui nous séparait. Alors j'ai pris le premier train de nuit. Voici, je te l'avais promis, mais je ne t'ai pas retrouvé. J'ai hâté, et dans le vent, mon nom s'est envolé. Alors sur le sable, je l'ai gravé, mais aussitôt la mer l'a effacé. Serait tout contre moi, tout en riant, tout en pleurant de joie. Tu redeviens ma petite fille. Cette année, notre amour durera plus qu'un été, car on ne va plus jamais se quitter. Petite fille, je saurai bien te garder.